Ahoj, my sme skupina Corbin Dallas zo Slovenska a pozdravujeme všetkých poslucháčov v Quebecu a reláciu Les Oreilles Ailleurs. Hi, this is Corbin Dallas from Slovakia and you're listening to Les Oreilles Ailleurs. C'est le chanteur du groupe Corbin Dallas que j'ai fait jouer il y a, en fait, au milieu du mois d'octobre. C'est Michel Monette au micro et c'est l'émission Les Oreilles Ailleurs. Au milieu du mois d'octobre, donc, j'ai fait jouer Corbin Dallas et j'ai reçu ce message de la part de leur gérant, Mathus Nemeth, que je salue s'il nous écoute en ce moment ou s'il nous écoute par balado-diffusion par la suite, parce que vous savez, vous pouvez réécouter l'émission en balado-diffusion. Il m'a envoyé un message me disant « Bonjour Michel, c'est Mathus, le manager de Corbin Dallas, le groupe slovaque. C'est juste pour te dire merci beaucoup pour nous avoir mentionné dans votre émission. C'est une grande et très belle surprise. Ce n'est pas chaque semaine qu'on peut entendre notre musique présentée par une station canadienne. » Et c'est ce que j'essaie de faire à l'émission Les Oreilles Ailleurs, c'est ce qu'on essaie de faire ici à CKRL, vous présenter des choses qu'on vous n'entendrez pas souvent ailleurs. On vous présente aussi des choses, évidemment, des chansons, des œuvres musicales que vous entendez ailleurs, mais on essaie de fouiller, de creuser, de trouver pour vous des œuvres ou des chansons, des compositions inédites. Alors, je remercie beaucoup à mon tour Mathus Nemeth de m'avoir fait parvenir ce mot du chanteur de Corbin Dallas. Et si vous connaissez aussi, ou si vous êtes gérant, ou si vous faites partie d'un groupe que je fais jouer à l'occasion, vous en entendez parler, gênez-vous pas pour me contacter, ça me fait plaisir. Et vous aussi qui êtes en onde ici à Québec ou ailleurs au Canada, au Québec, au Canada, ailleurs dans le monde, toujours moyen de me joindre, soit par la page Facebook de l'émission Les Oreilles Ailleurs. Vous allez sur Facebook, vous cherchez Les Oreilles Ailleurs, ou tout simplement en studio au 418-640-1586. Cette semaine, on ne sera pas en Slovaquie. On ne sera pas en Ukraine non plus, parce que je vous dis ça, parce que je vais vous parler d'un groupe qui, lui, vient d'Ukraine et qui va être à Québec le 20 novembre, je vous le dis. Manquez pas ça, il va être au Palais Montcalm le 20 novembre à 20h30. C'est Dakabraka. C'est un groupe de Kiev, c'est un groupe ukrainien, je l'ai déjà fait jouer et j'ai l'intention la semaine prochaine d'aller en Ukraine et de vous faire jouer entre autres Dakabraka, mais d'autres artistes ukrainiens que je vous ai déjà présentés ou dans certains cas peut-être même que je vous aurais pas encore présenté. On verra bien d'ici là. Cette semaine, on est en Italie et je vous réserve une première surprise. On va écouter un groupe italien. Vous allez être vraiment surpris. Ensuite, là, vous allez être un peu moins surpris. Certains d'entre vous, probablement, l'ont déjà entendu en spectacle ici à Québec parce qu'il est venu à Québec ou à Montréal parce qu'il est venu au Festival international de jazz à Montréal. Par la suite, on va entendre Gian Maria Testa. Et là, c'est une collègue du bureau qui m'a fait découvrir. Je l'avoue, je ne connaissais pas Gian Maria Testa. Je connaissais Paolo Conte, évidemment, comme beaucoup de monde. Je connaissais d'autres chanteurs italiens, mais je ne connaissais pas Gian Maria Testa. Et je me suis empressé d'écouter ce qu'il fait. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai deux chansons à vous présenter de lui. Deux chansons qui sont tirées de son dernier album. Un album qui date de 2013, Men at Work. Mais auparavant, la surprise, je vous dirai après qui c'est. Et je vous le dis, nous sommes vraiment en Italie. عصفورة طل من الشباك قال لي يا لولو خبيني عندك خبيني دخلك يا لولو خبيني عندك خبيني دخلك يا لولو قلت له انت من وين قال لي من حدود السماء قلت له جاي من وين قال لي من بيت الجيران قلت له خايف مني قال لي من القفص هربان قلت له ريشاتك وين قال لي فرفط هالزمن عصفور طل من الشباك وقال لي يا لولو خبيني عندك خبيني دخلك يا لولو كسر صوته وجناحاته قلت له انت من وين علمنا حدود السماء قلت له جاي من وين قال لي من بيت الجيران قلت له خايف مني قال لي من القفص هربان قلت له ريشاتك وين قال لي فرفضها الزمن عصفورة طل من الشباك وقال لي يا لولو خبيني عندك خبيني دخلك يا لولو C'était la première surprise pour aujourd'hui. Le groupe s'appelle Radio Dervish. Radio Dervish, c'est Nabil, qui est de Palestine, Miguel, qui est d'Italie, accompagné avec de leur pianiste Alessandro Pipino. Radio Dervish nous entraîne dans un voyage au cœur de la Méditerranée. C'est intéressant, de plus en plus on voit ces rencontres entre des musiciens de divers pays, un musicien palestinien, italien, c'est intéressant. Ensemble, ils nourrissent leur imaginaire de touches ethniques raffinées, autant inspirées de la musique arabe traditionnelle, ce qu'on vient d'entendre, que de la pop et de la chanson d'auteur italienne. L'album dont est tirée la chanson, c'est Lingua contro Lingua. La pochette est magnifique. Ce sont des deux danseurs derviches. Et ils ont l'air de flotter en l'air. Et en dessous d'eux, c'est écrit en arabe, l'équivalent de lingua contro lingua, mais je suis absolument incapable de lire ce qui est écrit. Enfin, ça fait 10 ans que Radio Dervish se promène un peu partout, non seulement en Italie, mais un peu partout dans le monde pour faire le pont entre la musique arabe et la musique occidentale, mais surtout italienne. On va passer maintenant à Gian Maria Testa. Gian Maria Testa, on le compare à Paolo Conte. Moi aussi, la première fois que je l'ai entendu, j'ai fait tout de suite le lien, d'aller voir par sa voix Il y a une certaine ressemblance, mais il a un style, il a une présence tout à fait particulière. Je ne l'ai pas vu en spectacle, mais ceux qui l'ont vu en spectacle m'ont dit qu'il est très chaleureux, très présent auprès de son public, qu'il dialogue beaucoup avec son public. Et ça, c'est intéressant, mais c'est intéressant aussi de savoir qu'il est d'abord passé par la France pour finalement être connu en Italie. C'est comme ça. On l'écoute, Gian Maria Testa. Uno scrittore di Torino che si chiama Andrea Baiani ha scritto un bel libro intitolato Cordiali saluti. In questo libro si parla di un uomo che di lavoro fa il licenziatore. È un mestiere qui in Germania da voi non molto in voga, ma in Italia è un lavoro di successo, licenziare il prossimo. Allora io ho scritto una canzone che si chiama anche lei Cordiali saluti, che è una lettera di licenziamento. Alla presente per visione il conto di di liquidazione, unitamente i miei saluti più distinti, più sinceri e più cordiali. Tramonto e tutto il rumore che fa. E poi per ogni giorno che passa faccio un segno su un muro di questa città, perché non è il tempo che mi manca. Thank you. prochain artiste qu'on va entendre après Gianmaria Testa qui nous a fait Polvere di Gesso. Ça, c'était la dernière. C'était précédé de Cordiali Saluti. La prochaine artiste qu'on va entendre s'appelle Sabina Caruso. C'est une artiste en émergence en Italie. Elle est de Catania. On va écouter d'elle Non ho tempo et Questione sociale. C'est tiré de l'album Senza remore. C'est un album paru en 2013. Tempo per capire, non ho tempo per avere tempo o per digerire. Non ho il tempo per restare fermo o per correre svelto. Non ho il tempo per studiare, per creare il mio momento. Ma è un inganno il tempo che va avanti e da quando siamo nati va a rovescio, mangia istanti. Ma è un inganno il tempo che va avanti e da quando siamo nati va a rovescio, mangia istanti. Non ho tempo per riempire le parole. Tempo per toglierti tempo o per ripartire. Non ho tempo per reagire a un regime troppo vile. Non ho tempo per avere tempo o per poterti digerire. Ma è un inganno il tempo che va avanti e da quando siamo. Di base al momento è banale, lo ammetto, perché di principio bisogna avere rispetto, tenersi segreti solo e soltanto per sé, è quello che hai visto anche se c'era non c'è. Puoi vivere bene, stare tranquillo davvero. Dovrei qualche favore per avere un problema di meno. Ma cosa vuoi farci? Cosa non si fa per campare?

Êtes-vous préoccupé par le devenir de la radiophonie québécoise? Venez participer à la journée d'études sur la radiophonie québécoise, Radioactif, de la pratique à la fabrique de la radio, le 28 novembre à l'Université Laval. L'occasion de redécouvrir le médium radio, de réfléchir aux grands défis qui sont les siens et à ses perspectives d'avenir. Je pense qu'on doit être en avance sur l'auditeur. Puisqu'on réfléchit à ça, à notre média, à la radio, on doit savoir avant les gens ce que ça va être la radio de demain. Au programme, conférences de personnalités d'ici et d'ailleurs, séances d'écoute, d'archives, de documentaires, de créations sonores et des invités de marque tels que Pierre Maisonneuve, Jean Dussault, Akli Haït Abdallah, Christophe Roux et Daniel Tulp. Informez-vous sur radioactif.weebly.com. La radio est amenée à se réinventer parce que le monde change. Le monde change, oui. Le monde rapetisse à mesure qu'il s'agrandit. C'est paradoxal. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus accès à la scène locale un peu partout à travers le monde. Mais de plus en plus, on a tendance à vouloir laminer tout ça. Mais heureusement qu'il y a des radios comme CKRL pour aller dans le sens contraire. Le 28 novembre, je vais y être en passant cette journée de réflexion sur l'avenir de la radio. Ça va être un bon moment pour essayer de réfléchir à ce que peut devenir une radio comme CKRL. Bon, ça n'empêche pas de réfléchir aux autres types de radios. Un peu comme la musique réfléchit sur ce qu'elle va devenir, parce qu'il y a la musique qui est vendue par les grands de l'industrie de la musique, hein, les 7-8 grandes entreprises qui contrôlent à peu près 75% du marché de la musique. Mais il y a aussi plein de musiques indépendantes et c'est ce que j'essaie de vous faire découvrir semaine après semaine. Je ne dis pas que je ne fais jouer que de la musique indépendante, mais j'essaie autant que possible de faire jouer de la musique indépendante ou de la musique alternative. Et justement, celle que je vous présente, Katie Passa, c'est de la musique indépendante. Katie Passa, c'est une chanteuse de Milan. C'est une chanteuse qui est aussi DJ sur la scène locale à Milan, qui fait des spectacles, au bar, au Atomic Bar, et aussi au Goganga Disco Bar à Milan, si vous passez par là. Mais c'est quelqu'un de très engagé aussi dans son milieu, puisqu'elle fait partie d'une initiative qui s'appelle Réseauphonique. C'est une initiative qui date de 2010. C'est une initiative qui vise, qui fait des spectacles, dans le but de ramasser des sous pour aider un projet qui s'appelle African Medical and Research Foundation. J'ai pas trouvé l'équivalent en français. Donc, vous avez compris que c'est un institut ou une organisation qui fait de la recherche médicale pour aider. Parce que peut-être que vous le savez pas, peut-être que vous le savez, mais il se fait pas beaucoup de recherche médicale sur les maladies tropicales, hélas. Ce n'est pas assez payant pour les grandes pharmaceutiques, entreprises pharmaceutiques de ce monde. Donc, il faut trouver des façons différentes de financer ces recherches et d'aider à régler des problèmes de santé en Afrique, entre autres. Pas seulement en Afrique, mais en fait dans toutes les régions du monde qui sont moins couvertes. Ou en tout cas, dont les maladies sont moins couvertes par les grandes entreprises pharmaceutiques. Donc, Katie Passa, elle fait tout ça, mais elle fait aussi de la radio, Radio Popolare Milano. Intéressant, Radio Popolare Milano, parce que c'est une radio un peu comme CKRL qui se finance grâce à vos dons. D'ailleurs, vous pouvez aller sur la page de CKRL, ckrl.qc.ca, www.ckrl.qc.ca et faire un don si vous aimez ce que vous entendez ou si vous avez le goût de nous soutenir, peu importe. Vous allez faire un don sur notre page, mais c'est un peu la même chose avec Radio Popolare Milano, donc c'est un peu une radio sœur en Italie. Et elle fait la radio, elle écrit sur sa page Facebook que c'est le vendredi soir, en fin de soirée qu'elle fait ça. Et là, elle vient de sortir un album avec son groupe. Attendez un peu que je retrouve le nom du groupe, ça sera pas Toxic, c'est Katie Passa et Toxic Tuna. Alors, je vais vous laisser découvrir le genre musical qu'elle fait. On va écouter deux chansons d'elle. On va écouter Blue et on va écouter Ultimo Tango. Sembra una sera volta normale. Mi rilasso, inizio ad urlare. Tra pochi pensieri, orizzonti vaghi, deserti senza lucidità. Quando tutto sembra svanire, vedo quel miraggio brillare. Una mano stringe sei corde, chissà che cosa suonerà. Del cuore, prima o poi ci devo tornare. Sento che affrontare quel caos potrà darmi solo libertà. Sento quel passato che porta tanto baccano, ma non fa male. Se penso che il coraggio di cuore prima o poi dovranno capire che tra l'equilibrio di caos fiorisce soltanto libertà. Nel silenzio quel dettaglio mare blu, suggestioni elettriche, nuove illusioni. Nel silenzio il mio coraggio non osserva ciò che conta, fai un'analisi di ciò che ti circonda, prima conoscere e poi tirare una somma, non è tutto vero quello che sta andando in onda, seguimi, seguimi, seguimi, ti dico seguimi, credimi, credimi, credimi, ti dico credimi, limiti, limiti, limiti da superare, nuove parole da cantare, battito del cuore che esprimo in BPM, io senza vibrazioni non ci sto, ci mancherebbe, un fuoco si accende, un fuoco che si espande, con il giusto tempo costruisco nuove forme, nel silenzio quel dettaglio mai. Suggestioni elettriche, nuove illusioni. Nel silenzio il mio coraggio non sei tu. Nel silenzio sento che mi fai vibrare. Tornare a guardare. Un ultimo tango. Svanirai, il buio come fango sul giorno è caduto per prendersi il meglio di noi. Un ballo brutto. Là, c'était Kiripasa et Toxic Tuna. J'ai pierré quand j'ai consulté la page Facebook de Kiripasa. Parce qu'elle écrit qu'elle a aussi fait la TV. Elle a travaillé comme VJ pour une télévision italienne spécialisée dans le rock. Et elle dit, elle écrit, elle termine, « But TV state of mind is not my cup of tea. » I love music, I love art. That's all, folks. See you on the road. Elle est actuellement sur la route un peu partout en Italie. Le prochain groupe qu'on va entendre s'appelle Lo Stato Sociale. Lo Stato Sociale, ça veut dire l'État-providence. C'est un nom tout à fait ironique. Ils sont très ironiques, je vous avertis d'ailleurs. Si vous comprenez l'italien, c'est un peu irrévérencieux. Enfin, certains des propos qu'ils tiennent dans leur musique, dans les chansons qu'on va entendre. La première des chansons qu'on va entendre s'appelle Chromosomi. Et c'est intéressant parce que j'ai lu qu'ils ils se sont inspirés de la première phrase, de la première strophe d'un poème d'un poète italien, Eugenio Montale. C'est un poète très sombre. Et c'est cette phrase d'ailleurs, elle est aussi très sombre. Je me suis toujours retrouvé dans un mal de vivre. Ça donne un peu une idée, ça donne un peu le ton du reste de la chanson. Après ça, on va entendre Lo Stato Sociale. Les deux sont tirés d'un album qui s'intitule... attendez un peu, je vais trouver le nom exact de l'album. Ça sera pas bien long. Les deux s'intitulent d'un album qui s'appelle Lo Stato Sociale, du nom du groupe... voilà, on va donc écouter ces deux chansons. La première qui porte plutôt sur le mal de vivre qu'on peut tous avoir. L'autre, c'est une satire envers toutes ces façons qu'on a maintenant de se retrouver sans se retrouver. Je m'explique, c'est-à-dire tous ces Facebook, tous ces Twitter, toutes ces autres médias sociaux, toutes ces autres façons d'être en contact constamment ensemble, mais sans vraiment être en contact ensemble. C'est Touristi de la Democracia, le titre de l'album. Je m'excuse, tantôt je croyais que c'était le titre de l'album, le nom du groupe, mais ce n'est pas le titre de l'album. C'est un album qui est paru récemment, Touristi de la Democracia. On écoute donc Chromosomi, suivi de Sono Così Indie. È sempre ora di chiedere per impiegati mai domi. Niente come la noia sa uccidere i cromosomi. Oh! Vorrei trovare parole nuove, ma piove, piove, allora me ne vado, chissà dove. A cercare lo stesso benessere, in un luogo dove non siano richieste tessere, dove la paura sia di fare male, non di farsi male, o farselo fare, o lasciare stare. Deve comunicare al valutato la valutazione, oppure farsene una ragione e suicidarsi. Ma chi sei? Cosa vuoi? Cosa valuti? Ma chi sei? Cosa vuoi? Cosa valuti? Va bene, lo ammetto, odio il capitalismo. Odio il capitalismo. Fuori moda. Sono così indie che Flickr è fuori moda. Sono così indie che Twitter già era per sfigati. Adesso da redattori sì, ma da redattori dell'Espresso. Neanche di Panorama. No, no, proprio dell'Espresso. Sono così indie che mi piace l'hip hop. Chiedimi cosa mi piace e ti risponderò Anticon. Sono così indie che non apprezzo il... ma lo vado a vedere comunque perché ci vuole un giudizio rotondo e completo. Arriva da solo col chitarrino, chiede 3000 euro, vuol dire che è bravo. Sono così indie che il mio nome su Facebook è il nome della mia band, anzi no, è il nome del mio progetto hardcore parallelo, Giorgio Capper versus Luigi Tecno. Sono così indie che con la musica non ci arrivo a fine mese, ma i soldi per la bamba e Bloody Beetroot invece ce li ho sempre. Sono così indie che mi piace andare a ballare. Sono così indie, sempre nella lista di chi suona. Sono così indie che ho iniziato a fare il DJ. Sono così indie e tra poco uscirà un EP. Sono così indie, oh oh oh. Sono così indie, oh oh oh. Sono così indie che ho iniziato. lo scratch, alla fine ho rotto tutti i vinili di papà. Grossi da pentapartito, yeah. Mi tolgo gli occhiali grossi da pentapartito e mi metto i Ray-Ban, yeah. Mi tolgo i Ray-Ban e mi metto qualche altra mongolata colorata, per esempio quelli di Kanye West nel video coi Daft Punk, titolo Stronger. Sono così indie che devo comunque fare una smorfia quando mi fotografano. Se non faccio una smorfia, allora faccio la smorfia che non mi accorgo che mi stai fotografando. Sono così indie che compro solo magliette artigianali autografate e spendo un culo di soldi. Le prendo su eBay, sul sito ufficiale, una volta sul MySpace. Ma a casa da 4 anni ho un problema. La mia fidanzata anoressica, bulimica e succhia cazzi ci vomita sempre sopra. E non posso più entrare al covo, al Magnolia, al circolo. Però posso andare alle feste dei Crookers e arrivare già vomitato. Sono così indie che mi piace andare a ballare. Sono così indie sempre nella lista di chi suona. Sono così indie che ho iniziato a fare il DJ. Sono così indie e tra poco uscirà un EP. Sono così indie, oh oh oh. Sono così indie, oh oh oh. Sono così indie che ho iniziato dallo scratch, alla fine ho rotto tutti i vinili di papà. Sfiga, solo che sfiga. Sono così indie che ho riportato in voga le camicie a quadrettoni. Perciò, cari amici miei non curanti del look, occhio, che tra poco si torna di moda. Voilà, sono così indie du groupe Lo Stato Sociale, l'État Providence. C'est, ça veut dire je suis tellement indie. C'est intéressant de voir un groupe qui se moque de cette culture indie. Les gens qui portent des lunettes vintage, des t-shirts les plus weird possibles, qui prennent des drogues, qui se tiennent avec des amis anorexiques, enfin, etc., etc., et qui sont dans Facebook, Twitter, Instagram. J'ai dit que j'aimais beaucoup faire jouer de la musique indépendante, mais... Bon, c'est pas vilain aussi de se moquer de toute la culture indie qui est née de cette volonté de se distinguer du reste de l'industrie plus commerciale. Ben, c'est tout pour cette semaine. C'est Michel Monnette au micro. Je vous laisse avec Michel Bonaparte de l'émission Topic du Capricorne. N'oubliez pas que vous pouvez vous rendre sur le blog Les Oreilles Ailleurs, lesoreillesailleurs.net, Les Oreilles Ailleurs en un seul mot.net pour... savoir quel est le nom des groupes et quel est le nom aussi des chansons que j'ai fait jouer cette semaine. À la semaine prochaine. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. 89.1 ckrl. Cette semaine, en nouveauté au cinéma Le Clap, voyez Antitube, Le Dominion de Seth et Un chemin avec Edmond Baudouin. Birdman, Gemma Bovary, Geronimo, Henri Henri, l'Opéra National de Paris présente Le Barbier de Séville, RIDM à Québec, Stop Making Sense, Le Vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire. Aussi, à ne pas manquer au Musée de la Civilisation, Geronimo et Gemma Bovary. Rendez-vous au clap.ca pour obtenir le synopsis, les bandes-annonces et l'horaire complet des films. Le Clap, le cinéma d'ici et d'ailleurs. Pour relaxer en toute quiétude, Crécis Massothérapie se spécialise dans la technique de massage oriental Ama, Tuina, thaïlandais, égyptien et massage de détente avec huile Lomiatsu, suédois et californien.